l'intervention des Français. Mytho, la nouvelle série Arte. C'est l'histoire d'une femme qui a un mari attentionné. Attends, t'as pas acheté les chips ? Des enfants reconnaissants. T'as mon chèque pour le voyage ? D'ailleurs, ce soir, je suis pas là. Et un patron sympa. Et bon cul, c'est du poulet. Alors, elle décide de lâcher un tout petit mensonge. Bizarre, qu'est-ce que t'as ? Une tumeur. Jusqu'où peut-on mentir pour être aimé ? Mytho, la nouvelle série Arte. Déjà en intégralité sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, second volet de notre série Mémoire de crime sur les faits divers du début du XXe siècle, avec cette fois l'affaire Bertrand. Mais tout d'abord deux questions. Y a-t-il un âge pour devenir assassin ? La justice peut-elle absoudre un crime au nom d'une cause ? Germaine Berton n'avait pas 20 ans quand elle tua un homme. Ce ne fut ni le fruit du hasard, ni celui de la fièvre. Elle n'a eu aucun regret, aucune excuse. Elle n'a pourtant pas été condamnée pour ce sang versé. Pourquoi ? Nous sommes en 1923. C'est le temps du cartel des gauches et du bloc national, de Blum et de Maurras. C'est le temps de Lénine et de la Révolution, des anarchistes et des camelots du roi. Durant ces années-là, au lendemain du chaos des tranchées de la Première Guerre mondiale, deux vies totalement opposées vont se retrouver comme liées. Celle de Germaine Berton, jeune anarchiste, et celle de Léon Daudet, monarchiste nationaliste de 35 ans son aîné. Pour raconter cette histoire, nous nous sommes plongés dans les archives de la presse de l'époque, accessibles pour nous comme pour vous sur le site Reto News de la BNF, notre partenaire. Tout au long du récit, vous entendrez donc des extraits de journaux de l'époque, mais également les confidences que Germaine Berton a livrées à un journaliste américain du New York World. Confidences dont les archives de Paris ont gardé la trace. Ici, pour Affaires sensibles, les mots de Germaine Berton sont portés par la comédienne Lucie Digou. Notre invité aujourd'hui, l'historien Francis Desmiers, spécialiste notamment de la France du 19e siècle. Il a publié deux articles autour de l'histoire de Germaine Berton dans une publication des archives de Paris, intitulée « Germaine Berton, anarchiste et meurtrière ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. La guerre. Qui dira ce que ce mot évoquait en moi de douleur contenue ? En 1914, enfant, j'ai vu partir le 66e d'infanterie avec des fleurs aux baïonnettes. Quelques semaines après, il n'en restait rien. J'ai vu les gares pleines de soldats couchés par terre. J'ai vu dans les hôpitaux les gazés crachant leur vie. Les aveugles ouvrant en vain leurs yeux morts, les crânes fracassés dont la peau soulevée battait les pulsations fiévreuses. Et sur les promenades, j'ai pleuré devant les grands mutilés qu'on roulait dans de petites voitures. Lorsqu'on a vu cela, et lorsqu'on songe qu'il va falloir peut-être revivre encore cela, je dis qu'il faut être bien indifférent pour ne pas se révolter, ou bien lâche. Depuis l'armistice de 1918, la guerre reste dans toutes les têtes. Dans celle de Germaine Berton, comme dans celle de tous les Français. En 1919 déjà, c'est son souvenir victorieux qui permet au Bloc national de teinter le Parlement d'un bleu horizon. Quelques mois après la signature du traité de Versailles, aux clameurs du slogan « L'Allemagne paiera », une majorité d'électeurs serre de nouveau les rangs derrière le drapeau tricolore et vote pour les députés nationalistes. À cette époque, la France sortie victorieuse du conflit, la première puissance mondiale. Une puissance néanmoins traumatisée. La France a la gueule cassée. Mois après mois, sur les bancs de l'Assemblée, comme dans les pages des journaux, la guerre est là, tel un fantôme qui hante les lieux et les vies. À droite, on l'espère, à gauche, on la maudit. Car le 11 janvier 1923, elle est presque de retour à la guerre. Face au défaut de paiement d'Allemagne d'une partie des indemnités, Raymond Poincaré envoie des troupes occuper la région industrielle allemande de la Ruhr. Alors que les députés socialistes et radicaux élèvent la voix contre cette intervention française, la droite se dresse comme un seul homme pour saluer l'initiative. À l'image du député de Paris, Léon Daudet, qui écrit le 20 janvier dans le journal L'Action française, dont il est directeur. La politique nationale de Poincaré postule l'ordre et l'autorité, c'est-à-dire la réaction à l'intérieur. C'est désormais à l'extrême droite et à droite qu'est l'unique espérance du relèvement de la véritable et victorieuse paix. Léon, le fils de l'écrivain Alphonse Daudet, s'est fait un prénom grâce à sa plume monarchiste, nationaliste et antidéfusarde. Chaque jour, dans les colonnes de l'Action française, il frappe la République et ses défenseurs par le verbe « la gueuse ». C'est ainsi, le fils Daudet ne trouve de l'inspiration que dans la haine à l'encontre des Juifs, des Allemands, des Bolcheviks. Pour les fidèles de Maurras, il est une idole, un espoir. Pour les héritiers de Jaurès, il est un ennemi, un danger. Le jour de sa tribune, le 20 janvier 1923 donc, Germaine Berton, jeune femme de 20 ans, décide de passer à l'action et de frapper cet homme. En fin de matinée, elle se rend chez lui, rue de Bellechasse. Prétextant avoir des informations à lui fournir sur le compte des anarchistes, Germaine demande à le voir. Oui, mais monsieur le député est occupé. Alors, Daudet fait porter à l'inconnu le numéro de téléphone de l'Action française. Quelques heures plus tard, Germaine joint le journal. Un rendez-vous est fixé le soir même. Dans la lettre qu'elle présente lors de sa venue, Germaine évoque ses années au sein de l'Union anarchiste. Depuis son arrivée à Paris, elle dit côtoyer le cercle du journal libertaire. Mais exclue du groupe, elle aurait décidé de se venger en révélant des informations importantes. Pas très clair tout ça. D'ailleurs, à la lecture de la missive de l'anarchiste dit « repenti », le secrétaire du journal, Jacques Allard, est dubitatif. Alors il informe Marius Plateau, l'un des rédacteurs, qui est aussi le chef des canons du roi, la milice armée des monarchistes. Ensemble, les deux hommes décident de rencontrer l'anarchiste repenti. Après tout, qu'ont-ils à perdre, à part leur temps? Allard et Plateau découvrent alors une jeune femme grande, mince, les yeux gris, portant un imperméable kaki serré à la taille. Durant de longues minutes, les mots de l'inconnu tombent comme la grêle. Germaine évoque Tours, les ateliers, Paris, la Révolution, la Rotonde, la prison Saint-Lazare, Ravisi et Daudet. Comme un leitmotiv, le nom du directeur revient sans cesse, Daudet. La visiteuse souhaite absolument le voir. Pourquoi ? Elle parle d'un prochain coup des anarchistes, elle évoque des mitrailleuses et des grenades. A-t-elle des preuves ? Oui. Très bien, apportez-les-nous. Nous en parlerons à monsieur le député. Parfait, entendu. Germaine quitte les lieux sur la promesse d'une prochaine rencontre. Deux jours plus tard, dans la matinée du 22 janvier, les cloches sonnent dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Chez les royalistes, c'est jour de deuil et de souvenir. Il y a 130 ans et un jour, les révolutionnaires coupaient la tête de Louis XVI. Comme chaque année, une messe est dite. Ce 22 janvier, tous les nostalgiques de la monarchie et les héritiers politiquement déshérités des trônes de France sont là. Marquis, comtes, ducs, généraux, députés, mais aussi Germaine. Que fait-elle là? J'avais l'intention d'abattre Léon Daudet dans la nef. Et je pensais que ces mêmes cloches qui sonnèrent les massacres de la Saint-Barthélemy sonnerait aussi le glas des royalistes. Il ne vint pas, et j'eus un moment l'idée de tuer Charles Maurras, ce descendant de mort, vindicatif et cruel, aussi coupable que Léon Daudet. Déjà, en le suivant, j'armais mon Browning, quand je m'aperçus qu'il était escorté par plusieurs jeunes camelots du roi. Et puis, il y avait des enfants qui jouaient et couraient. J'eus peur de rater Maurras et de blesser des innocents. J'abandonnais ma filature. Les cloches sonnent de nouveau, mais on n'entend aucun coup de feu. Le même jour, en début d'après-midi, Germaine se rend de nouveau au siège de l'Action française. Elle fait appeler Marius Plateau. L'homme est absent. Germaine attend à quelques mètres de la grande salle où se trouve la milice royaliste. A-t-elle été fouillée? Non, Germaine est une femme. Enfin, on l'appelle. Le chef des camelots est là. La porte se referme, la discussion est conviviale. Jusqu'à ce moment, Plateau demande à Germaine quel est son prix. Pour l'action française, l'argent n'a-t-il pas été de tout temps le mobile de toutes les actions? Je sentis le sang me monter au cerveau et j'appelais intérieurement la fin de tout cela. Mais comme s'il eût senti que cette heure qu'il vivait serait sa dernière, Marius Plateau s'était levé et après avoir rangé des papiers dans un bureau américain qu'il ferma à clé, il se mit à marcher dans la pièce en renouant une conversation que je ne soutenais plus. Ce manège finit de m'exaspérer et j'arrivais au comble du dégoût. J'avais le sang qui m'assourdissait en me bourdonnant dans les oreilles. Le chef royaliste m'ouvrit la porte. Il me tournait le dos. Je fouillai rapidement dans ma poche, j'en tirai mon Browning tout armé. Je fis feu. 5 détonations pour Marius Plateau, puis une 6e pour Germaine. Plateau est touché au thorax, il succombe vite. Germaine, elle, survit. La balle n'a que ricoché sur une côte. À l'hôpital, lors d'un bref interrogatoire, elle déclare: je m'appelle Germaine Berton. J'ai 20 ans. J'ai tué Marius Plateau. Faute de pouvoir atteindre Léon Daudet. Pourquoi ? L'interroge le commissaire. Parce que j'ai voulu venger Jean Jaurès et protester contre l'agression de la Roure. Dans le tout Paris, la nouvelle de la mort de Marius Plateau se diffuse comme une traînée de poudre. Durant toute la soirée, ses fidèles camelots noient leur peine dans le bruit et le chaos. Ils saccagent l'imprimerie du journal L'Œuvre, favorable au cartel de gauche, ainsi que les bureaux du journal socialiste L'Ère Nouvelle. Vitres brisées, papiers jetés, gardiens frappés, la fureur des camelots se poursuit sur les grands boulevards contre les policiers cette fois. 7 hommes sont arrêtés. À l'époque, la France est au bord de la guerre civile. Anarch, facho, la violence est quotidienne. Le lendemain, les noms des inculpés sont publiés dans la presse. François Delamotte, 48 ans. Julien Martin. Julien Martin. 32 ans. 32 ans. Georges Riboulet, 27 ans. Amédée Gourdejon, 18 ans. Louis Burdeau, 23 ans. Louis Burdeau, 23 ans. Auguste Gradier, 23 ans. Ce jour-là, l'action française fait évidemment sa une sur l'assassinat de l'un des siens. Une balle allemande a tué Marius Plateau. Le crime est flagrant. Les inspirateurs connus, nous exigeons leur châtiment. Sous ce titre, un article de Léon Daudet qui sonne comme un avertissement. Le crime est commis contre la patrie. C'est le premier acte des germano-bolchévistes contre l'action de la France en Allemagne. Il faut empêcher les actes qui sont projetés. Il faut opposer les forces nationales unies aux agents de l'Allemagne, des soviets et de la finance internationale. La Ligue d'Action Française, la Fédération des Camelots du Roi font appel aux patriotes et les invitent à s'inscrire dans leur rang. Selon l'Action Française, ils sont nombreux, ces patriotes, à saluer la dépouille de Marius Plateau lors des funérailles. Le journal parle même de 500 000 Parisiens recueillis et affligés. Disent-ils vrai ? Quand on fouille dans les autres journaux, l'information semble exagérée, voire erronée, tant les différences sont grandes. Pas facile de s'y retrouver. À l'époque, la presse est partisane, engagée. Les directeurs de journaux, comme les journalistes, s'inscrivent clairement dans des camps politiques. Pour la presse nationaliste, par son assassinat, Marius Plateau est devenu un martyr de la supposée union des germano-bolchevistes. Pendant ce temps, dans la presse de gauche, Germaine Berton devient une héroïne. Mais qui est cette jeune femme ? Dès le 23 janvier 1923, son nom, sa photo et son histoire se retrouvent en première page de tous les quotidiens du pays. Excelsior, La Lanterne, L'Ouest Éclair, La Dépêche de l'Aube, Le Petit Marseillais, L'Écho d'Alger, L'Humanité, tous cherchent à percer le secret de cette femme qui, à 20 ans, est devenue une meurtrière. Je suis issue d'une souche de chouans. J'en ai gardé la face taillée en traits hardis et les cheveux bruns, droits et drus. Sur les photos publiées, Germaine fait 10 ans de plus que son âge. Regard sombre, visage fatigué, Elle est à l'image de son époque, fracturée. Quand on se plonge dans son autobiographie, on a l'impression d'une chute sans fin. Sa belle époque à elle s'est limitée dès l'enfance. Puis est venu 1914, le départ de soldats, les restrictions, les tranchées, l'acier, la mort. Elle a 13 ans quand elle pleure son premier amant tombé au champ de bataille, 15 quand la révolution russe éclate, 16 quand les Allemands capitulent, 17 quand son père décède subitement. Germaine est née en 1902 à Puteaux, dans la banlieue ouvrière de Paris. Ni prolétaire, ni aristocrate, sa mère était une institutrice libre, son père un constructeur mécanicien. Aujourd'hui, on dirait que les époux Berton étaient de la classe moyenne, voire de la petite bourgeoisie. Roturiers qui se sont fait une place, qui vivent correctement. Après Puteaux, puis Nanterre, c'est à Tours que la famille Berton s'installe. À l'école, Germaine est une bonne élève, énergique. Elle s'épanouit autant dans les lectures de Musset, Balzac, Hugo, Zola que dans les jeux. Elle aime les plaies, les bosses. Germaine est un garçon manqué, toujours dans les pas de son père, jamais loin des ouvriers de son atelier. Dans les premières pages de son autobiographie, elle évoque souvent son amour pour la République et la Révolution, née à l'école, dans les livres et à la cour de récréation. Un jour, dit-elle, elle a même eu l'idée de rejouer la mort de Louis XVI. Je mettais ma blouse sans devant-derrière. Je me coiffais du fragment de journal qui enveloppait ma collation. Je battais d'un tambour imaginaire et je lisais la sentence. Au nom de la République, une et indivisible. Pendant que le bourreau aiguisait la branche morte qui devait décapiter le roi déchu. Drôle de jeu, me direz-vous. Mais l'époque est aux idéologies, aux manifestes et aux ennemis de classe. Le père de Germaine était franc-maçon et radical, typique Troisième République laïque ardémaçonne. C'est avec lui qu'elle aurait écouté et découvert le directeur de l'Humanité, Jean Jaurès. La famille Berton est donc très éloignée de la pensée de l'Action française et de ses partisans. Hasard de l'histoire, Arsène Berton, le père de Germaine, meurt en 1919, quelques semaines après l'acquittement de l'assassin de Jaurès, l'étudiant nationaliste Raoul Villain. Il avait pris la mauvaise habitude de traiter ses affaires au café. Et c'est ainsi que commença en lui l'ulcère stomacal qui devrait l'emporter. Il tomba un jour, vomit le sang à pleine bouche, puis sa langue se paralysa et il vécut encore 15 longs jours d'agonie. J'étais folle de chagrin devant ce cadavre qui se décomposait affreusement. On l'emporta par un beau jour d'août, avec un soleil merveilleux. J'ai compris que c'était fini désormais. Il allait falloir lutter, pleurer davantage, se battre avec la vie. Il allait falloir tout laisser dans cette fosse ouverte. Mon père chéri, mes espérances, mes rêves d'avenir, tout. Absolument tout. 1919, c'est l'année zéro de notre histoire, celle où le destin de chaque protagoniste va les amener à ce jour où Germaine tua et où Daudet se sauva. Pour Léon Daudet, 1919 est synonyme de victoire. Le rédacteur de l'Action française, membre de l'Académie Goncourt, est élu député de Paris. Tendance nationale. La haine à l'encontre des étrangers, des juifs, des allemands fait déjà florès. Et Daudet en sera l'une des figures de proue. Germaine, elle abandonne ses études. Dans le salaire du père, elle doit désormais travailler et aider sa mère qui n'a plus que l'alcool comme amant. Ainsi, l'adolescente heureuse et curieuse devient une adulte marginale et pauvre. Germaine passe d'un atelier à l'autre. Régulièrement, pour raisons politiques, elle démissionne ou se fait virer. La politique, parlons-en. Germaine est devenue une militante active au contact des ouvriers des ateliers de chemin de fer pour lesquels elle travaille. En 1920, alors âgée de 18 ans, son statut de secrétaire du comité syndicaliste révolutionnaire de sa ville l'amène à assister au congrès de Tours, durant lequel est né le Parti communiste français par scission de la SFIO. journaliste, Germaine le sort à quelque temps. Par réflexe, pour faire plaisir à des camarades, dira-t-elle. Même si elle est lointaine, la révolution russe marque une partie de la génération née en 1900. Pour beaucoup, elle représente l'espoir d'un monde où la classe ouvrière pourrait être libérée des dieux et des maîtres. Alors, comme d'autres, Germaine se jette à corps perdu dans la lutte. Elle assiste aux meetings, manifeste et reste en fin de cortège pour participer aux bagarres. Durant cette période, elle écrit. En août 21, habitant désormais à Paris, elle publie dans Le Réveil, un journal communiste, ce texte qui fera sensation à bas la France militariste. N'étions-nous pas en droit de supposer que notre nation appauvrie et endeuillée ne songerait désormais qu'à relever ses décombres et à travailler en paix ? Quelle profonde erreur ! La France, cette marâtre ignoble qui envoie ses fils crever sur les champs de carnage, est à l'heure actuelle le pays le plus militarisé du monde entier. Alors quoi ? Encore des batailles et de nouveaux cadavres ? Souffriras-tu, prolétaire, de marcher pour poignarder dans le dos la révolution russe ? Non, nous ne ferons pas œuvre d'assassins et de réactionnaires. La cause capitaliste n'est pas la nôtre. Ouvriers, refuse de travailler pour la guerre. Refuse d'œuvrer pour la mort. La guerre, toujours la guerre, comme un poison sur l'âme, comme des gouttes de curare. Germaine n'y échappe pas. Peu à peu, l'engagement devient de plus en plus total. Durant ces mois à Paris, où elle passe d'une chambre à l'autre, Germaine est arrêtée et emprisonnée à deux reprises. La première, en novembre 1921, à cause d'une gifle infligée à un secrétaire de commissaire qui refusait de lui restituer ses papiers. À sa sortie de prison, elle trouve refuge chez un anarchiste, François Larapidi. Arrêtée une seconde fois en juin 1922 avec d'autres anarchistes, les autorités l'accusent de vol. Elle retourne 15 jours en prison. Durant le mois qui précède le meurtre, Germaine ne dort jamais au même endroit, jamais dans les mêmes bras. Selon les rapports de police, on la voit souvent à la rotonde de Montparnasse, connue à l'époque pour être un repère d'anard. Elle aurait passé également quelques nuits dans le quartier de la butte Montmartre. C'est là, à la fin de l'année, quelques semaines avant de vouloir tuer Léon Daudet, qu'elle rencontre Philippe. Philippe, comme elle, il ne fait pas son âge. Elle ne sait rien de lui, mais lui offre son corps. Ils ne se verront plus, et pourtant, ni Germaine, ni ce jeune homme n'oublieront ces instants. Quelques mois plus tard, l'un après l'autre, feront la une des journaux. Sensible. Fabrice Drouel. 25 novembre, Le Petit Parisien, page 4. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a tenté de se suicider. Boulevard Magenta. Dans un taxi, en se tirant une balle de revolver à la tête. État grave, Lariboisière. Cela faisait 5 jours que Léon Daudet n'avait plus de nouvelles de son fils de 14 ans. Il avait l'habitude de fuguer, oui, mais 5 jours, tout de même, c'est long. Alors, dès la lecture de cet entrefilé, monsieur le député se rend à l'hôpital. C'est bien lui, Philippe. Oui, son fils, il est là, mort. Pour l'heure, la nouvelle se limite au cercle des amis. C'est que, dans les rangs de la bourgeoisie catholique, un enfant qui se suicide, c'est mal vu. Alors, la famille Daudet trouve une mort plus acceptable, une méningite foudroyante. Oui, mais le 2 décembre, le journal Le Libertaire titre « Léon Daudet étouffe la vérité ». Selon le directeur du journal anarchiste Georges Vidal, Philippe Daudet lui aurait confié être anarchiste, le scoop, le fils du député national Hanard. Famille, je vous... Dans une lettre que Philippe Daudet aurait remise à son père mais destinée à sa mère, le jeune homme écrit « J'étais anarchiste sans oser le dire. Maintenant, ma cause m'a appelé et je crois qu'il est de mon devoir de faire ce que je fais. Je t'aime beaucoup, Philippe. » Quelques mois après l'assassinat commis par Germaine Berton, les anarchistes de l'Action française font ainsi de nouveau la une. Dès le lendemain de la publication, Léon Daudet sort de son silence. Pour lui, les révélations du journal Le Libertaire ne prouvent qu'une chose, Philippe a été assassiné. Quinze jours plus tard, le 18 décembre 1923, le procès de Germaine Berton s'ouvre. Durant les audiences, jamais ne sera évoquée la relation de Germaine et de Philippe. En tout cas, dès le premier jour, toute la presse parisienne est là. Germaine est-elle la Vierge rouge et noire, objet fantasme, sorcière moderne? Pas vraiment. Dans le journal L'Ère Nouvelle, Robert Salomon la décrit ainsi. Mince, les cheveux coupés courts, avec ses gestes puérils dans un costume gris très simple, dont le col de batiste blanche est noué d'une cravate garçonnière, elle semble une Claudine en révolte contre son pensionnat. Malgré une année presque entière à l'isolement à la prison des femmes de Saint-Lazare, Germaine Berton n'a rien perdu de ses colères. Dès les premières minutes de procès, elle tient tête, comme elle l'a toujours fait. À la question « Regrettez-vous d'avoir tué Marius Plateau ?» elle répond « Il m'a fallu surmonter tout dégoût pour accomplir cet acte. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on supprime un être pensant. Et pourtant, l'acte accompli, je n'ai pas eu de regrets, et je n'en ai pas au moment où je vous parle. Parce que le 22 janvier, j'étais plus qu'une quelconque meurtrière, et je venais venger les victimes de l'Action française. Ma conscience m'a crié d'agir, j'ai agi. Et puisque dans mon idée, je l'ai fait pour un bien, le bien du peuple, comment pourrais-je éprouver des regrets ? Dès les premiers interrogatoires de la police, Germaine a reconnu le crime et ses intentions. Dans les journaux qui ont précédé le procès, la stratégie de son avocat était connue, plaider le crime politique. Maître Henri Torres, un ponte à l'époque, avait pourtant essayé tant bien que mal de faire varier un tant soit peu la virulence des propos de sa cliente. Mais c'était cause perdue. Germaine est restée têtue pour preuve. Quand le président lui demande si elle regrette de ne pas avoir tué Léon Daudet, elle passe outre le refus de son avocat de répondre et elle lance « Oui, je regrette de n'avoir pas tué Daudet. » Lors du second jour d'audience, les témoins à charge se succèdent. Maurras, entre autres, mais aussi le miraculé Léon Daudet. Devant le député, Germaine Berton refuse de se taire. « Si j'ai voulu vous tuer, c'est parce que vous êtes responsable de l'assassinat de Jaurès. C'est vous qui l'avez tué. » Nous aimions tous Jaurès, tous, même les anarchistes. Jaurès, c'était pour nous l'âme même de la France généreuse. Je me souviens l'avoir entendu une fois à Tours avant la guerre. J'étais bien jeune alors, mais notre respect pour cet homme était si profond que j'allais là comme les autres enfants allaient à l'église. Je regrette douloureusement d'avoir tué Marius Plateau à votre place. Durant ce procès, l'ombre et la lumière de Jaurès sont partout. On a beau revenir sur ces jours de janvier 1923, sur le parcours de l'assassiné Marius Plateau, sur la vie tumultueuse de l'accusé Germaine Berton, le corps que l'on voit durant ces audiences est bien celui de Jean Jaurès, gisant au Café des Croissants le 31 juillet 1914. Et le nom du coupable qui résonne dans les têtes des jurés comme dans celles des journalistes, c'est celui de l'assassin de Jaurès, Raoul Villain, acquitté en 1919 après avoir demandé pardon. Maître Henri Torres, avocat de Germaine Berton, ne s'y trompe pas. Après 4 jours d'audience, au moment de sa plaidoirie, il demande l'acquittement. Acquittez-la pour tout ce qu'elle représente d'abandon d'elle-même et de misère. Acquittez-la comme vous aviez acquitté Villain. Paix pour tous. Il faut que celle-ci aille rejoindre Villain dans l'oubli et l'apaisement. Le 24 décembre 1923, la veille de Noël, le verdict tombe. Germaine est acquittée. La presse de gauche salue la décision, celle de droite vomit sa honte. L'Action française titre « Le crime du jury ». Sous la plume sans doute de Léon Daudet, on peut lire ceci. Le verdict d'hier soir contient une sanction, un encouragement. La sanction légale est donnée à l'assassinat de Plateau. La grue a tué le héros. La prochaine fois, on n'acquittera pas, on décorera. Ce 24 décembre, Germaine sort libre de la prison de Saint-Lazare. Libre, quel drôle de mot quand on a tué. Redevient-on vraiment libre? Le 1er novembre 1924, soit moins d'un an après son verdict, Germaine Berton est retrouvée inconsciente sur un banc de l'église Notre-Dame de Lourdes de Paris, à quelques centaines de mètres du cimetière du Père-Lachaise. Une nouvelle fois, elle a voulu mettre fin à ses jours. À l'hôpital, les policiers trouvent 3 lettres dans son sac. L'une d'entre elles est destinée à Madame Alphonse Daudet, la grand-mère de Philippe, la mère de Léon donc. Quelques mots, quelques phrases, où elle évoque ses raisons, cette tentative de suicide. « Je vais mourir comme Philippe est mort, mais je ne regrette pas d'avoir serré dans mes bras celui dont j'ignorais l'âge exact et le nom de famille. » Pardonnez-moi donc, madame, car si Philippe est mort pour moi, aujourd'hui, je me tue pour lui. Dans le milieu anarchiste, la liaison entre les fils Daudet et leur héroïne ne fait aucun doute. La jeune femme portait même le portrait du jeune Daudet en médaillon autour du cou. Avant d'avoir ingurgité du poison, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours sur la tombe de Philippe. Se sont-ils vraiment aimés? Combien de fois se sont-ils vus? Philippe est-il vraiment mort pour elle? Seule Germaine le sait. Ce 1er novembre 1924, Germaine Berton survit à son poison tout comme au chagrin, du moins pendant 17 ans. Le 4 juillet 1942, pourtant mariée et éloignée des milieux politiques, Germaine Berton se suicide. Pour de bon cette fois. Elle avait 40 ans. Coïncidence ou non, ce 4 juillet, c'est un autre homme dont l'Action française salue la mémoire, celle de Léon Daudet, mort 3 jours plus tôt. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de sang. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui dans la série Mémoire du crime, l'histoire de Germaine Berton avec notre invité Francis Démier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste notamment de la France du 19e siècle et auteur du livre intitulé « Germaine Berton, anarchiste et meurtrière », édité par la Direction des services d'archives de Paris. C'est un livre passionnant, c'est un beau livre d'ailleurs, et résultat d'une aventure collective. Nous y reviendrons d'ailleurs, on peut en dire un mot de ce livre s'il d'emblée. S'il vous plaît, oui. Allez-y alors. Donc, œuvre collective, il vient d'où ce projet-là? C'est un livre qui est parti en fait d'une collection d'aquarelles qui sont dues à un avocat qui avait beaucoup de talent, qui s'appelle Louis Annie, et qui a portraituré tous les acteurs du procès de Germaine Berton. Et donc ce recueil d'aquarelles est arrivé aux archives de Paris. Et c'est grâce à Brigitte Lenné, qui était archiviste en chef des archives de Paris, qui a disparu et qui a été très importante dans la mise sur pied justement de cet ouvrage. C'est grâce à elle que nous avons organisé, au-delà des aquarelles, une histoire de Germaine Berton et une histoire de son procès. Alors, Germaine Berton, c'est l'histoire d'une femme, et c'est surtout l'histoire d'une femme inscrite dans une époque très particulière. C'est-à-dire qu'on appelle la Belle Époque, ces années après la Première Guerre, en fait, ce sont des années d'extrême tension politique en France. Expliquez-nous cela, parce que c'est vraiment le cadre de cette histoire. Oui, c'est d'autant plus intéressant qu'à travers son itinéraire, on s'éloigne un petit peu d'une présentation qui revient souvent d'un après-guerre dans lequel, surtout, on est attentif aux commémorations, à la construction d'une mémoire patriotique, avec des personnalités qui émergent à l'heure actuelle, comme Clémenceau, que pouvait pas supporter, entre parenthèses, Germaine Berton. Pourquoi elle le trouvait va-t-en en guerre? Je fais la guerre, et donc la guerre, toujours la guerre? Oui, parce que effectivement, Clémenceau est l'incarnation même du monde de cet effort de guerre, le dernier effort de guerre, qui a coûté très très cher. Et Clémenceau, en plus, a poursuivi des personnalités auxquelles était attachée Germaine Berton pendant la fin du conflit. Et donc, il y a une haine particulière à l'égard de Clémenceau qui revient très souvent, du reste, dans ses écrits, dans ses déclarations. Mais effectivement, il existe une période, en fait, qui part du printemps 1918 et qui va jusqu'à l'année 1923, c'est-à-dire avant l'élection du cartel des gauches. période du bloc national, qui est une période effectivement de conflits extrêmement intenses, de division de la vie politique française, qui oppose à la fois une extrême gauche et une extrême droite. C'est-à-dire qu'on est au lendemain de la révolution soviétique d'un côté, et on est au lendemain de la prise de pouvoir par Mussolini en Italie. Donc, oui. On a quand même ces influences-là qui sont fortes, j'imagine. C'est du reste un climat révolutionnaire qui touche l'ensemble de l'Europe. En mars 19, Lénine dit « la révolution avance en Europe, non pas au rythme des semaines, mais des jours ». Et donc, il y a la question de l'Allemagne, il y a la question de la Hongrie, l'intervention des troupes françaises, du reste, en Russie, contre l'intervention contre l'armée rouge, l'intervention des Français en Hongrie pour écraser Lacoune. Le général de Gaulle, du reste, continue une partie de sa carrière militaire en Hongrie à ce moment-là. Il y a donc effectivement une France qui est sur pied de guerre encore. Il y a 2 millions de mobilisés. Ça revient aussi continuellement dans les témoignages. Et donc, je crois que c'est important, c'est qu'entre le printemps 18 et 23, se manifeste en quelque sorte un rejet des vieilles organisations politiques. Et apparaît donc un courant qui est à la fois inspiré par l'héritage de l'anarchisme, qui est très puissant à cette époque-là. Un nouvel anarchisme, du reste, qui est très différent du terrorisme, très différent de l'anarchisme proudhonien, et qui est proche ou inspiré par l'héritage du syndicalisme révolutionnaire. Et qui se détache à partir, finalement, de l'année 1918, en particulier à cause des grandes grèves, avant même que la guerre soit achevée, au printemps 1918. Donc c'est pas, qui c'est... sont fortement réprimées par Clémenceau, en particulier. C'est une des raisons pour lesquelles Germaine Berton a une haine de Clémenceau. Donc ça, c'est le pôle de gauche. Alors on n'est pas avec les radicaux de gauche, là. On est dans une démarche révolutionnaire. Et puis en face, il y a Maurras, il y a Daudet, il y a le fascisme. Cette idée qui paraissait neuve, moderne, si j'ose dire, branchée à l'époque. Cette démarche révolutionnaire, dont le soubassement est finalement un courant anarchiste, il faut voir quand même qu'elle est aussi fortement guidée, inspirée par la révolution russe. Et donc, ce qui est intéressant pendant la période, et ce qui va marquer beaucoup le comportement, l'attitude de Germaine Berton, c'est l'articulation entre le comportement anarchiste et la référence à la révolution russe, qu'elle ne comprend pas du reste la plupart du temps, en particulier sur le rôle du parti. Et ce qui intéresse ou ce qui mobilise justement tous ces militants politiques, à Tours en particulier, où elle va militer parmi les cheminots de la CGT, c'est le phénomène des soviets. Et donc ce spontanéisme, cette dynamique révolutionnaire qui part de la base et qui ignore effectivement qu'en Russie, la stratégie politique est menée par le parti. Et c'est de là, du reste, que naîtront toute une série de malentendus sur la réalité de la révolution russe, dans ce courant anarchiste, mais qui touche aussi au même moment la CGT. N'oublions pas que la CGT, qui avait 400 000 militants avant la guerre, en a plus de 2 millions en 1919-1920. Donc nous sommes dans une période d'une dynamique absolument extraordinaire du mouvement de masse, du mouvement de grève, qui à deux reprises, au printemps 19 et au printemps 20, se manifeste de façon extrêmement importante. Et la vie de Germaine, justement, s'inscrit alors sous le haut patronage, si j'ose dire, d'un côté, côté adversaire, voire ennemi, Léon Daudet, de l'autre, Jean Jaurès. Commençons par le premier, Léon Daudet, quelle place y tient et pourquoi est-il au départ la cible ? Léon Daudet... Plutôt qu'un autre. Oui, c'est qu'il illustre la transformation de l'Action française, qui avant-guerre et surtout finalement qu'un personnage emblématique qui est Maurras, qui nous ramène au XIXe siècle. Alors que Daudet est la personnalité qui épouse la dynamique de la guerre et qui va nous mener sur un autre terrain de l'extrême droite, qui est celui du fascisme. L'Action française ne ressemble pas effectivement au fascisme, mais à plusieurs reprises, dans le procès, Germaine dit « je ne voulais pas que Daudet amène chez nous le fascisme ». Et cette nouvelle dynamique de l'Action française est tout à fait parallèle à celle de l'extrême gauche et est l'expression d'une radicalisation à droite, d'une peur finalement d'une partie de la bourgeoisie française à l'égard effectivement de cette montée d'un climat révolutionnaire. L'Action française, dans les élections de novembre 1919, obtient 30 députés. Et le journal L'Action française, l'organe de l'Action française, qui tirait autour de 1500-2000 exemplaires à la veille de la guerre, au moment effectivement du procès Berton, tire à 160 000. Donc nous avons une base maintenant qui s'est fortement structurée, qui bien sûr, comme avant 1914, chez les intellectuels, les lycéens, le quartier latin, c'est eux qui vont se mobiliser du reste au moment de l'enterrement de Plateau. Hein. Et d'autre part, qui a quand même progressé aussi au-delà des intellectuels, chez les employés, chez les petites classes moyennes parisiennes. N'oublions pas qu'en 1900, Paris n'est plus une ville de gauche, c'est une ville de droite. Hein. Le conseil municipal bascule à droite en 1900. Et donc, il y a un écho, effectivement, sur la dynamique nouvelle de l'Action française, qui est très très présente. Et qui pour elle, représente un danger. Bien sûr. De l'autre côté, il y a la figure tutélaire de Jean Jaurès. Quelle place il tient? On est 4 ans après sa mort. Plus, on est 9 ans après sa mort. Oui, il y a la figure de Jaurès. Alors bon, ce qui est important, bien évidemment, c'est le fait que l'assassin de Jaurès, vilain, a été acquitté en 19. Donc c'est important. Et donc c'est quelque chose effectivement qui replace Jaurès dans un conflit idéologique, politique, et celui de l'après-guerre. On pourrait dire du reste que le Jaurès, ou l'image de Jaurès d'après-guerre, n'est pas exactement celle de l'avant 1914. Parce que la guerre est passée par là ? Parce que la guerre est passée par là, et parce que Jaurès constitue encore un trait d'union dans toute une série de courants qui sont extrêmement divers et souvent divisés. Hein. Jaurès, c'est l'union, et c'est intéressant de voir finalement, au moment du procès, Germaine Berton évoquer le souvenir de Jaurès. Elle l'a vu à Tours. Son père radical, mais grand admirateur de Jaurès, l'avait emmené à des meetings. Et ce qui est important, c'est que l'avocat de Germaine Berton, Henri Torres, qui est un homme extrêmement subtil, a construit sa défense, la défense de Germaine Berton, sur l'équilibre qu'il pouvait y avoir entre l'acquittement de Vilain et l'acquittement et possible, effectivement, de Germaine Berton. Ce qui n'a pas plu tellement au départ à Germaine Berton, mais finalement, elle est entrée dans la manœuvre. Hein. C'est de façon assez habile. Germaine Berton est une rebelle qui n'écoutait effectivement que d'une oreille ce que lui disait son avocat, mais il n'empêche qu'elle l'a suivie. Et donc, l'idée de Torres, c'est l'idée de mettre sur pied un jugement du procès qui soit la base finalement de la paix civile. Un coup à gauche, un coup à droite. Bien sûr. On ne pourra pas rétablir la paix civile, on ne pourra pas échapper à la violence, une violence qui est sans arrêt évoquée pendant le procès. Si la justice n'est pas équitable avec les deux camps. Il y a deux violences. Il y a la violence de Germaine et celle de l'Action française qui apparaît en permanence parce qu'il y a des éclopés de l'Action française, enfin des victimes de l'Action française qui sont dans le procès. Alors, je voudrais lire, puisqu'on parle aussi, en parlant de cette page d'histoire de la France, parle aussi de Germaine Berton et de sa personnalité. Je voudrais lire, je vais le faire d'ailleurs, quelques lignes, parmi les dernières lignes de son autobiographie. Elle écrit « Et moi, je suis moi, toujours pareil. L'épreuve a trempé mon énergie. Je suis toujours aussi ardente dans mes luttes car j'ai pour moi deux atouts formidables. Je ne sais pas ce que c'est que la peur et je méprise la mort. Je n'ignore point que dans la bataille, les plumes se changeront peut-être en poignards et que j'aurai la figure mouchetée de sang. Eh bien, je rendrai coup sur coup, soyez-en sûrs. Et si la tombe s'ouvre sous mes pieds, ma foi, tant pis. Un peu plus tôt, un peu plus tard, notre mère, la terre, nous appelle. » Donc c'est une femme militante dont le combat est entier, absolument entier. Une personnalité extraordinaire qui a fasciné les jurés et qui a fasciné du reste aussi la presse. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que la presse, évidemment, de droite, a vu dans Germaine Berton un personnage épouvantable. Maurras parle de la hyène. C'est l'empire du mal. Oui. Et il y a en plus ce qui est intéressant, un antiféminisme absolument terrifiant de l'Action française qui se déchaîne à travers justement la presse de droite à cette époque. En plus une femme, quoi, c'est ça. En plus, c'est une femme. Circonstance aggravante. Circonstance extrêmement aggravante, d'autant qu'au même moment, effectivement, toute une série de courants féministes ont fait de Germaine Berton une icône, finalement, aussi de leur combat. Elle n'est pas féministe, parce qu'elle refuse le combat des suffragettes, qui n'a aucun intérêt, parce que c'est un débat parlementaire. Et au même moment, du reste, ce qui est intéressant, c'est que les surréalistes, en particulier Breton, vont en faire également une icône d'une partie, effectivement, de leur jugement sur la société. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est, dans le sens accepté de l'histoire, une passionnaria aussi? Oui, le thème est un peu postérieur, parce qu'il se rapporte à d'autres événements, qui sont ceux de la guerre d'Espagne. Mais je crois qu'effectivement, ça peut être le cas. On pourrait évoquer ce personnage comme cela. Je ne sais pas si on l'a évoqué, sinon je prends la précaution de l'évoquer pour pas passer à côté. Quand on parlait de la situation de la France à cette époque-là, est-ce qu'on était au bord d'une guerre civile? Est-ce que c'est exagéré de dire ça ou ça aurait pu tourner comme ça? Écoutez, ne serait-ce finalement que dans le cortège, qui est une manifestation qui a été appelée par l'Action française au moment de l'enterrement de Plateau. Il y avait plus de 5000 camelots du roi, jeunes de l'Action française, etc., plus ou moins armés, et la préfecture de police de Paris a mobilisé 5000 hommes, des troupes, des policiers, des dragons à cheval. Il y a un climat, effectivement, de guerre civile. D'autant qu'au même moment, la plupart des bureaux de presse ont été saccagés. L'œuvre, le populaire, etc. Ouais. ont eu des machines brisées. Il y a une violence extraordinaire qui accompagne effectivement ce débat politique. Le combat de Germaine Berton donc aboutit à un meurtre. C'est un meurtre, mais c'est le crime politique par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, contrairement à d'autres organisations politiques qui passent par le terrorisme, c'est une forme de terreur aussi ce qu'elle fait. Il y a des dérives de délinquance des droits communs. Là, pas du tout. Germaine Berton, c'est juste politique, on est bien d'accord. C'est le crime politique, à 100% ou pas. Il est intéressant de se pencher sur son cas, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il y a tout un débat toujours qui tend à isoler la justice et la politique. Oui, ce qui n'est pas question. Du tout le cas, effectivement, de cet après-guerre, dans lequel on fait des procès politiques. Il y a eu un procès politique qui a acquitté Villain, il y a un procès politique et des jurés qui vont prendre position sur un débat politique qui est le procès de Germaine Berton. Et défilent donc des témoins qui ont été appelés par son avocat, qui sont les grands noms de la gauche. Blum est là, Longuet, Cachin, les représentants de la Ligue des droits de l'homme. Toute la gauche s'est mobilisée et témoigne en faveur de Germaine, qui n'est absolument pas isolée dans son crime politique, dans le contexte effectivement de l'époque. Elle est très soutenue, au contraire. Donc c'est bien effectivement un crime politique qu'elle revendique comme tel. Et elle dit effectivement peut-être que je serai guillotinée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de la mort, elle revendique d'une certaine façon son crime. Que fait-elle après, avant sa mort? Donc après cette histoire? Ce qui est extraordinaire, c'est que d'une action intégrée finalement à un combat collectif, qui est celui des syndicats, des ouvriers à Tours, à Paris, etc., elle va s'isoler progressivement parce que elle passe finalement à un anarchisme individualiste qui l'isole même du courant anarchiste qui, au départ, autour du libertaire, effectivement, l'avait soutenu. Et d'étape en étape, elle va s'isoler. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'à partir de 1924, on perd sa trace. Mmh. On perd sa trace. Moi, j'ai regardé, effectivement, j'ai travaillé dans les archives de la police, qui sont absolument abondantes et très bien tenues. Après 1924, elle va se marier avec un peintre. Et puis, finalement, la police ne prend plus aucune note sur elle de ce moment-là. Et c'est la fin de l'histoire politique, en tout cas, de Germaine Berton. Je vous remercie, pardonnez-moi de vous bousculer, mais l'heure, c'est l'heure. Merci infiniment, Francis Desmiers, pour tous ces éclairages. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Germaine Berton, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire. Merci à Nicolas Cazot qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Jeanne Maillard, Margot Opinel et Constance Villanova. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Comédien, Philippe Pirard et Lucie Digou. Réalisation cette semaine, Hélène Bizio, Lauriane Tout le monde et Jérôme Chélius. Voilà, j'ai cité tout le monde.